Santo de l'âme. Holy Santo de l'âme. Holy Santo de l'âme. Sweet. son joli capitaine, tout dépend de moi. Si c'est ainsi, mon bon monsieur, n'en parlez à personne. Si c'est ainsi, mon bon monsieur, n'en parlez à personne. Car je suis fillette, fille mariée. J'ai aussi mon joli capotage. Je vous le Yeah.